Chapitre 23e. Monsieur de Carquebus était attardé dans ses hésitations. La cloche annonçait le dîner lorsqu'il écrivit la dernière syllabe de son nom. Il se hâta de refaire le nœud de sa cravate bleue, puis, après avoir donné un coup d'œil à sa glace, il descendit, marchant la poitrine en avant et la tête en arrière, comme un homme content de lui. Et de fait, il l'était pleinement. Il avait écrit sa lettre tout comme un autre et sans se perdre dans les phrases. Elle disait ce qu'il avait voulu lui faire dire. Est-ce que son allusion à ce qu'il ne pouvait pas s'écrire n'était pas de l'esprit? Mais oui, c'était de l'esprit, et du meilleur encore. Après tout, une lettre d'amour n'était pas plus difficile à faire qu'une autre. Il n'y avait qu'à s'y mettre, et il s'y était mis. Il avait espéré pouvoir entretenir l'institutrice avant le dîner, ou tout au moins lui glisser sa lettre. Mais lorsqu'il entra dans la salle à manger, il trouva tout le monde à table, car le marquis avait établi cette loi qu'on n'attendait personne. Au dernier coup de la cloche, on servait le potage. Aussitôt qu'il avait été assis, il avait pris sa lettre, et sous la table, il l'avait tendue à l'institutrice, après l'avoir avertie par un coup d'œil significatif. Mais par un coup d'œil non moins significatif, elle avait énergiquement refusé d'avancer la main. Il avait néanmoins insisté. « Plus tard, » avait-elle dit à voix étouffée. « Quoi donc ?» demanda le marquis. « C'est monsieur de Carquebus, » dit-elle en souriant, « qui se désole par des signes éloquents de trouver le potage servi, et je lui réponds qu'en effet, il est un peu en retard. » Avait-elle de la malice, et son sourire qui découvrait ses dents blanches était-il assez charmant? Monsieur de Carquebus était ravi. « Si Artem est désolé, » dit le marquis en regardant son cousin, « il n'y paraît guère. Il a l'air vainqueur, au contraire, l'œil brillant, le teint allumé. Vous n'avez pas 20 ans. J'espère bien ne les avoir jamais. Et quelle toilette? C'est assurément le nœud de votre cravate qui vous a retardé. » Le marquis n'avait pas osé montrer à l'institutrice monsieur de Carquebus tel qu'il était, mais quand l'occasion se présentait, il ne manquait pas de la mettre en garde contre les prétentions et les entreprises de son vieux cousin. Pendant assez longtemps, il continua de le plaisanter ainsi, aussi légèrement que possible, et chose rare, celui-ci, qui avait la riposte rude, ne se fâcha pas. « Allez, allez toujours, » disait-il, « je suis de belle humeur aujourd'hui. » Il était surtout plein d'espérance. Après le dîner, il trouverait facilement un moyen pour remettre sa lettre. Mais la soirée s'écoula sans que ce moyen se présentât. Le marquis ne quittait pas le salon, et Madame Méraud était assise à côté de Clémence, qui travaillait à un ouvrage en tapisserie. Il avait envie de lui jeter sa lettre dans son panier aux laines, mais la peur d'être surpris le retenait. Il y avait plus de 2 heures qu'il piétinait dans le salon, marchant de long en large, s'asseyant, se relevant, incapable de tenir en place, lorsque l'institutrice, qui semblait ne pas faire attention à son impatience, se tourna tout à coup de son côté. Il était précisément à ce moment près d'elle. « Vous n'auriez pas un journal, » disait-elle, « un morceau de papier quelconque pour que je puisse dévider mon peloton de laine dessus, une lettre insignifiante, inutile, une lettre à la rusée, à la petite fée. » Il s'empressa de lui tendre sa lettre, que depuis longtemps, il tortillait dans sa main agitée. Elle la prit avec un sourire de remerciement. Puis, après l'avoir lentement pliée en 4, elle se mit à dévider sa laine dessus. Avait-elle de la malice? Et quel calme! Il était transporté. De 10 heures à minuit, il passa le temps dans sa chambre à boire des grogs au cognac. Quelle jolie petite femme! Ce n'était pas une grossière paysanne, mais une parisienne, une femme d'esprit. Et ce grand bêta de marquis qui s'était moqué de lui? Vous n'avez pas 20 ans. Silencieusement, il riait à son image, qu'il regardait dans la glace. Quand le dernier coup de minuit eut cessé de sonner, il sortit doucement de sa chambre. Pour étouffer ses pas, il avait mis des chaussons. Il écouta. Le château était endormi. Dans le vestibule sombre, on n'entendait pas d'autre bruit que le tic-tac régulier de l'horloge. Il y avait plus de 50 mètres à faire dans l'obscurité avant d'atteindre l'appartement de l'institutrice. Mais il n'avait pas souci de s'égarer. En suivant le mur du vestibule, il était certain d'arriver. Assurément, la porte serait ouverte. Il n'aurait qu'à la pousser. « Vous n'avez pas 20 ans. » Un ricanement involontaire lui échappa et retentit sous les voûtes sonores. En 2 ou 3 minutes, il arriva à la porte de l'institutrice et, doucement, il la poussa. Elle résista. S'était-il trompé? Il tâta autour de lui. Un pilier qu'il rencontra lui montra qu'il était bien devant la porte qu'il cherchait. Mais alors comment n'était-elle pas ouverte? Sans doute Clémence avait eu peur. Mais certainement elle se tenait derrière cette porte, prête à tirer le verrou. Il frappa quelques petits coups et écouta. Aucun bruit. Se serait-elle endormie? Ce serait une étrange indifférence en un pareil moment. » Il frappa de nouveau, mais cette fois plus fortement. Il poussa la porte. Clémence ne répondit pas davantage, et la porte résista toujours. Impatienté, il recommença à frapper et à pousser. Dans le vestibule, le bruit de ses coups et le craquement de la porte allaient se répéter au loin. S'il avait eu un outil, une pince, un ébauchoir, il aurait certainement jeté cette porte en dedans. Mais il n'avait rien aux mains et la porte était solide. Pendant plus de 10 minutes, il continua ses tentatives, frappant, poussant, poussant et frappant, ne s'arrêtant que pour écouter. Rien ne bougeait dans cette chambre, un silence complet. À un moment cependant, il crut entendre une respiration de l'autre côté de la porte et l'espoir lui revint. Mais bientôt il lui fallut reconnaître qu'il s'était trompé et de guerre lasse, il dut regagner sa chambre. Il se coucha furieux et le lendemain, quand il descendit pour le déjeuner, il n'avait pas sa figure de bonne humeur, il n'avait plus ses 20 ans. Il trouva l'institutrice arrivée avant lui et vivement il alla à elle. « Votre porte n'était pas ouverte ? » dit-il d'une voix que la colère rendait tremblante. « Non, » répondit-elle avec une dignité glaciale. « Pourquoi ? » ?»« Parce qu'elle ne devait pas l'être. Vous avez prétendu que vous aviez des choses importantes à me dire. Je vous ai répondu que je ne pouvais vous entendre en particulier comme vous le désiriez, mais que je consentais à recevoir une lettre. Vous ne m'avez pas écrit. » Et sur ce mot, comme le marquis entrait, elle avait tourné le dos à M. de Carquebus, déconcerté. « Comment, pas écrit ? Que voulait-elle donc ? Une lettre d'amour, eh bien, il allait lui en écrire une. » Et après avoir largement arrosé son déjeuner pour se mettre en train, il s'était enfermé dans son appartement. Ah, elle voulait une lettre ! Son succès de la veille lui avait donné de l'audace. Bravement, il avait pris la plume. Cependant, comme malgré tout c'était un homme prudent et avisé, au lieu de prendre une grande feuille de papier comme la veille, il en avait pris une petite. Il voulait remplir les 4 pages et, dame, 4 pages, c'est bien long. Ce que j'ai à vous dire, chère petite déesse, c'est que je vous adore et que je suis dévoré par une flamme secrète. Il avait fait ses études jusqu'en seconde et il était resté dans la mémoire quelques bribes confuses de ses auteurs, Volnus salit Venis et Caeco Carpitu Rigni. Petite déesse et flamme secrète l'ayant encouragé, il put aller jusqu'au bas de sa 3e page, mais là il s'arrêta net. Comment remplir la dernière ? Quel travail ! Heureusement, après tous les mots qu'il venait d'entasser si péniblement, une idée lui traversa l'esprit, sincère celle-là. « C'est un amour ardent que je vous propose. Si vous le repoussiez, pensez que vous auriez tout à craindre de ma colère et de ma vengeance. » Cela ne remplissait pas encore toute la page. Sa longue signature, écrite en gros, fit le reste. Lorsque sa lettre fut terminée, il alla frapper à la porte de Denise, car c'était l'heure du travail. Ce fut Clémence qui vint lui ouvrir. Il lui glissa son papier en s'excusant de les troubler. Il ne les savait pas au travail. Et il était venu pour voir une fenêtre qui lui avait tourné et avait besoin de réparation. La réponse à cette lettre ne se fit pas attendre et ce fut Clémence elle-même qui la lui apporta. Comme il se promenait sur la terrasse avant le dîner, l'institutrice vint à lui et lui parlant en tournant le dos au château. « Monsieur, dit-elle, j'ai lu votre lettre qui est le plus douloureux outrage que j'ai jamais reçu. Vous m'avez parlé comme on ne parle pas à une fille. Je suis une honnête femme, je vous le prouverai. Je ne crains ni votre colère, ni votre vengeance. Votre lettre dans mes mains sera ma défense, si jamais j'ai besoin de me défendre contre vous, mais j'espère que vous ne m'obligerez pas à m'en servir. » Se servir de sa lettre ? Ah, la diablesse ! Elle avait débité ce petit discours avec une dignité froide, et M. de Carquebus n'avait pu l'interrompre que par des exclamations de colère. Au dernier mot, elle tourna vivement sur elle-même et rejoignit Denise restée seule sur le perron. M. de Carquebus était exaspéré. Ah, comme avec jouissance, il lui cassait les reins. Cependant, il dut se contenir et pendant le dîner accepter les plaisanteries du marquis. « Est-ce curieux ? » disait celui-ci. « Hier, vous n'aviez pas 20 ans, aujourd'hui, vous en avez 60. Avez-vous bien dormi, mon cousin ?» Et l'institutrice qui souriait. Ah, il se vengerait. Et il saurait bien la faire pleurer. Mais avant de rien entreprendre, il fallait qu'il rentrât en possession de sa lettre, qui, dans les mains de Clémence, pouvait devenir une arme contre lui. 2 jours après, à l'heure où il savait que Denise et l'institutrice étaient ordinairement en promenade, il entra dans la chambre de celle-ci pour voir où sa lettre pouvait être serrée. Cette cachette trouvée, il pourrait peut-être en rentrer en possession de sa lettre. Alors la diablesse n'aurait qu'à se bien tenir. » Au moment où il fouillait dans un pupitre, la porte d'un cabinet s'ouvrit et Clémence parut. « Épargnez-vous la peine de chercher davantage, » dit-elle. « Si ce sont vos lettres que vous voulez, je vous préviens qu'elles ne sont plus ici. On ne garde pas chez soi des armes aussi précieuses. Je les ai confiées au gouvernement, qui les conserve avec fidélité. » Et comme il la regardait tout ébahi, « Rassurez-vous, » dit-elle en riant, « je ne les ai point envoyées au procureur impérial avec ma plainte. Je les ai simplement mises sous enveloppe. Sur cette enveloppe, j'ai écrit des initiales connues de moi seul. Je l'ai adressée bureau restant dans un pays connu de moi seul aussi. Elles resteront là, dans ce bureau, à l'abri de toute indiscrétion et à ma disposition jusqu'au jour où j'en aurai besoin. » « Démon !»« Mais je n'en aurai pas besoin, n'est-ce pas » dit-elle en regardant M. de Carquebus avec un sourire étrange. Pendant quelques secondes, il resta hésitant sous ce regard qui le bouleversait. Puis tout à coup, lui prenant la main et la lui baisant. « Vous êtes un ange, » dit-il. Elle se mit à rire, et retirant doucement sa main, elle sortit de la chambre en appelant Denise.